covoiturage existe sous plusieurs formes. Faire de l'autostop, trouver par Internet des gens qui vont se déplacer vers la ville que je veux rejoindre, prendre des collègues sur un trajet qui mène au boulot. Autant de façons de réduire la pollution de l'air en rentabilisant l'usage d'un véhicule et autant de possibilités de diviser les dépenses avec les covoiturés. Le covoiturage, c'est se déplacer à plusieurs dans une seule voiture. Réponse B.